nous étions avec lui dans la barque. Satan n'avait pas vu le grand Seigneur. Il voulait nous engloutir avec le roi. Il croyait que nous étions vraiment seuls. Oh, lève-toi, Éternel, que la tempête se calme, se calme, se calme. Quand nous sommes sortis de l'Égypte, Pharaon croyait que nous étions seuls. Il n'a pas vu la nuée de gloire qui était colonne de feu la nuit. Lève-toi, Éternel, que Pharaon voie la puissance de ton bras. Quand Samson eut ses yeux crevés, Satan n'avait pas vu ses cheveux qui poussaient. Alors que les gens se moquaient de lui, Samson criait au fond de son cœur. Lève-toi, Éternel, que tes ennemis tremblent, qu'ils tremblent, qu'ils tremblent. Ta présence parmi ton peuple, c'est la joie où il y a tristesse. C'est la guérison où il y a maladie. C'est la réponse à tous nos problèmes. Lève-toi, Éternel, que tes ennemis tremblent, qu'ils tremblent, qu'ils tremblent. Quand nous sentons sa présence avec nous, nous sentons dans la victoire. Quand nous sentons sa présence avec nous, nous sentons en sécurité. Et alors, nous élevons nos voix. Alléluia! Lève-toi, Éternel, que tes ennemis tremblent, qui tremblent, qui tremblent. Lève-toi, Éternel, qu'ils aillent tous en débandade.